terreur des couleurs des filles qui ne sont pas toutes à la vanille. Juste une vie qui se barre en vrille, des courants d'air aussi des gris, des espoirs qui se recroquevillent, et si loin le temps dépit. Juste une vie vitriolée, jamais vue à la télé, incornue, un visage voilé, une inconnue. Je n'oublie.